Toujours à la même occasion, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a envoyé le 8 septembre une grande corbeille de fleurs à l'ambassade coréenne dans son pays.